Document 8. Désir et devoir. C'est la fin du week-end. Julie et son papa font une dernière partie de cartes. J'ai gagné! On fait encore une partie, papa? Non, ma chérie, il est tard. Il faut aller se coucher. Demain, je dois partir en voyage. Il faut que tu partes encore? Pourquoi? Parce qu'il faut que je travaille. Il faut que je gagne de l'argent. Je te donnerai mes sous. Oui, merci, mon cœur. Garde tes sous et fais-moi un bisou. Il faut que je parte très tôt demain matin et avant, il faut que je finisse un travail. Il faut aussi que je fasse ma valise. Allez, au lit, ma jolie. Attends un peu. Moi, il faut que je range mes cartes, il faut que j'éteigne mon ordi, il faut que je boive mon verre de lait, il faut que je mette mon pyjama, il faut que je dise bonne nuit à Tichou. Que d'obligations! Allez, dépêche-toi. Papa, tu sais, j'aimerais que tu restes encore un peu. C'est les vacances pour moi. Je voudrais qu'on aille à la plage. Je voudrais qu'on construise des châteaux de sable et qu'on fasse du pédalo et qu'on mange des glaces. Je voudrais que tu sois tout le temps avec moi. Et puis je voudrais que tu me lises une histoire maintenant. À vos ordres, princesse.